Aujourd'hui à Assemblage requis, les mythes du rock'n'roll de Simon Fitzbay, on parle plein air avec Émilie Gauthier et encore probablement une chronique technologique CNX. Ben oui Mathieu, il va en avoir une chronique CNX, il va avoir ça puis plus encore aujourd'hui 15h.